إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fil Kitab wal Sunnah, c'est-à-dire la réalité de l'alliance et du désaveu selon le Coran et la Sunnah, hein, ou la réalité du fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah dans le Coran et dans la Sunnah. Na'am, donc on est arrivé au point numéro 7 parmi les réponses aux shubuhat des takfiriyin et des gens de bid'a au sujet des questions qui ont rapport avec al-wala ou al-bara. Et dans ce point numéro 7, on parle de la question de la question qui est reliée au fait de prendre pour allié plutôt de chercher l'aide des non-musulmans, chercher l'aide des kuffars. Lorsqu'on a un ennemi qui nous menace, hein, ou quelqu'un qui nous menace ou qui veut transgresser contre nous, parmi les kuffars, donc de prendre l'aide des kuffars pour combattre cet ennemi, hein, et le verdict de l'islam par rapport à ça. Également, si c'est un ennemi qui est musulman, dans le sens que c'est un musulman mais qui est transgresseur ou injuste, yani le verdict de prendre son aide pour repousser le mal de ce musulman transgresseur. Donc on a déjà parlé dans les cours précédents que les ulama ont divergé entre eux sur cette question, et que certains ont dit que c'était permis, d'autres ont dit que c'était interdit, et on a parlé on a mentionné les preuves de ceux qui disent que c'est interdit, et là on est en train d'énumérer les preuves de ceux qui mentionnent que c'est permis. Donc, le cheikh, il a mentionné jusqu'à maintenant, on a lu 4 preuves. Et là, on est arrivé à la preuve numéro 5, Ad-Dalil al-Khamis. Et le point numéro 5, c'est Shuhudu kathirin min al-mushrikin ghazwat Hunayn ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi jayshihi. Faminhum man lam yadkhul fi l'islam, wa minhum man aslama zahiran ismatan lidamih حتى حسن إسلامه بعد. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وزراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعهم الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. وفي مسلم عنه رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. Donc ici le cheikh il mentionne la preuve numéro 5, et c'est que il y a parmi les gens qui ont participé à la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que la bataille de Hunayn s'est produite après la conquête de la Mecque. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il est parti combattre la tribu de Hawazin, et on appelle cette bataille la bataille de Hunayn. Donc il est parti avec son armée, et parmi son armée il y avait des mouchriquins dans cette bataille. Hein, parmi eux il y en avait qui n'avaient pas encore accepté l'islam, et parmi eux il y en avait qui avaient donné une apparence d'avoir accepté l'islam pour préserver son sang, parce que parmi les combattants il y avait ceux qui avaient été laissés libres lors de la conquête parmi les mouchriquins. Donc parmi ceux qui étaient à la Mecque qui se sont rendus et qui ont été laissés aller par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux sont partis avec lui dans la bataille de Hunayn. Et lors de la bataille, justement, beaucoup d'entre eux ont tourné le dos et se sont enfuis et l'ont laissé tout seul. Hein? Donc c'est parce qu'au début de la bataille, c'est ce qui est arrivé. Tout le monde se sont enfuis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté seul. Et c'est par la suite que il a rappelé les croyants et qu'ils se sont tous rassemblés autour de lui, et puis ils ont mené l'offensive encore une fois, et par la suite ils ont gagné la bataille. Donc c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim que Anas ibn Malik, il rapporte dans Al-Bukhari Muslim, selon Anas ibn Malik, que le prophète, en fait c'est Anas ibn Malik qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé lors de la bataille de Hunayn. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Anas, qui a dit que lorsque c'était le jour de Hunayn, la tribu de Hawazin et Rotfan et d'autres ont ramené tous leurs biens et leurs enfants et leurs femmes, et ils se sont tous rassemblés pour attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour le combattre. Parce que c'était l'habitude des fois des Arabes à l'époque, lorsqu'ils partaient en guerre, eh bien ils amenaient avec eux leurs femmes et leurs enfants et leurs richesses. Et ça c'était dans le but en même temps de les encourager au combat, et pour pas qu'ils ne tournent le dos en abandonnant leur famille. Donc ça c'était pour les motiver d'une certaine façon. Donc ils sont tous partis avec leurs femmes et leurs enfants et leurs biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, est parti pour les affronter avec 10 000 soldats. Et avec eux, il y avait ceux qui avaient été abandonnés en plus. Pas abandonnés, mais plutôt laissés libres. Et ils ont tourné le dos jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit resté tout seul. Et c'est rapporté également par Muslim. Sulaym, elle a dit le jour qu'elle a pris un couteau comme un poignard le jour de Hunayn, elle a pris dans sa main un poignard. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sulaym, qu'est-ce que ce poignard, hein, il demande à Sulaym, pourquoi est-ce que tu prends ce poignard. Elle a dit, oh messager d'Allah, je vais tuer après nous tous ceux qui ont été libérés le jour de la conquête de la Mecque et qui se sont enfuis et t'ont laissé derrière, hein, ils ont abandonné. Donc elle voulait comme par colère du fait qu'ils les avaient ils s'étaient enfuis, donc elle était fâchée de ça et elle exprimait sa colère de cette façon. Donc ensuite le cheikh il rapporte, il dit وقال ابن إسحاق في سيرة ابن هشام ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة ومع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة فكانوا 12,000. انتهى كلامه. Donc ابن إسحاق il rapporte dans سيرة ابن هشام, le volume 4 à la page 118, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la bataille de Hunayn, et il avait avec lui 2000 parmi les habitants de la Mecque, c'est-à-dire des gens qui ont été laissés le jour de la conquête, qui n'ont pas été combattus ou pris prisonniers ou autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé leur liberté et ils ont joint l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Il y en avait 2000 parmi eux, puis il y avait 10 000 d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient partis avec lui pour la conquête de la Mecque, donc qui étaient avec lui à Mecca. En tout, c'était donc 12 000 soldats. Donc ça, c'est la fin de la citation. Il dit ensuite وَحَكَ بْنُ كَثِيرٍ قَوْلَ بْنُ إِسْحَاقٍ ثم قال في البداية والنهاية وعلى قول عروة والزهري وموسى بن عقبة يكون مجموع الجيشين اللذين صار بهما إلى هوازن 14,000 14,000 لأنه قدم ب12,000 إلى مكة على قولهم وأضيف 2,000 من التلقى انتهى كلامه. Donc ici il y a une autre version qui est rapportée par Ibn Kathir, c'est la parole de Ishaq qui dit dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, la parole de Ibn Ishaq qui est rapportée par Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le volume 7 à la page 11, il dit selon la parole de Urwa et de Az-Zuhri et de Moussa ibn Uqba, que l'ensemble des deux armées en tout faisait 14 000 lorsqu'ils sont partis pour Hawazin, pour aller combattre. Parce qu'il était avec 12 000 soldats pour aller conquérir la Mecque. Puis on a ajouté 2 000 parmi les gens qui ont été libérés, parmi les gens de la Mecque. Donc en tout ça faisait 14 000. Donc ça c'est une autre narration. وقال ابن إسحاق في سيرة ابن هشام فلما انهزم الناس ورأى ما كان مع رسول ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر إلا وإن الألزام وإن الأزلام وإن الأزلام لمعه في كنانته أو لمعة في كنانته وصرخ جبلة ابن الحنبل وقال ابن هشام كلدة ابن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو قال يعني هذا الرجل كلدة بن حنبل ألا بطل السحر اليوم فقال له صفوان أسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن قال ابن إسحاق وقال شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة أخو بني عبد الدار قلت اليوم أدرك ثأري من محمد فكان أبوه قتل يوم أحد اليوم أقتل محمدا انتهى كلامه. Donc ici, c'est rapporté par Ibn Hisham, Ibn Ishaq dans Sirat Ibn Hisham. Il mentionne qu'est-ce qui s'est passé lors de la bataille de Hunayn, lorsque les gens ont, ils se sont enfuis lors de la bataille. Lorsqu'ils ont vu certains parmi ceux qui étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de la Mecque, ont vu la défaite. Il y a certains parmi eux qui ont laissé sortir des paroles qui montraient la rancune qu'ils avaient dans le cœur, ou la haine qu'ils avaient dans le cœur. Comme par exemple Abu Sufyan ibn Harb, qui a dit, ils ne cesseront de s'enfuir il ne se serait pas cessé de s'enfuir jusqu'à la mer s'ils n'auraient pas pu aller plus loin que ça, dans le sens que s'il n'y avait pas la mer pour les arrêter, ils auraient continué à s'enfuir plus loin que ça même. Et Qaldat ibn Hanbal, lui, c'était le frère de Safwan ibn Umayya. Et à l'époque, dans ce moment, il était mushrik. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, lui avait donné une part du butin pour qu'il participe à la bataille. Et il a dit « Allah batala sihr al-yawm », c'est-à-dire la magie aujourd'hui, elle n'a pas fonctionné. En voulant dire que c'est comme s'il accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser de la magie. Et le fait que les gens se sont enfuis et qu'ils ne sont pas restés pour affronter l'ennemi, c'est comme s'il disait « ça y est, aujourd'hui la magie elle ne fonctionne plus ». Et Safwan ibn Umayya, il lui a dit « tais-toi, faddallahu fak ». Il lui a dit « par Allah, je préfère que je sois conquis par un homme de Quraysh que par un homme parmi les hommes de Hawazin, de la tribu de Hawazin ». Donc, on voit que même s'il participait à la bataille, mais il n'était pas avec les mu'minines et il ne croyait pas en l'islam. Ils y allaient juste par fierté ou bien par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de Quraysh, ou bien même certains d'entre eux, ils étaient contre. Hein, ils n'étaient pas en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils étaient avec lui soit par crainte ou soit par intérêt. Certains d'entre eux, un autre exemple qui est mentionné ici, c'est Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha, qui est le frère de Bani Abduddar. Lui, il a dit aujourd'hui, ça y est, je vais avoir ma chance pour tuer Muhammad. Donc, son père avait été tué à la bataille de Uhud. Donc, il a dit aujourd'hui, ça y est, je vais avoir ma revanche. Donc, ça, c'est des exemples de paroles de la part de certains d'entre ceux qui étaient avec lui. Ceux qui étaient parmi l'armée. قال ابن سعد في الطبقات الكبرى عن غزوة حنين وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المشركين كثير انتهى كلامه. Donc Ibn Sa'd dans Tabaqat al-Kubra, le volume 2, page 150, il dit que dans la bataille de Hunayn, beaucoup de mushrikins sont sortis avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Donc il faisait partie de l'armée. وقال الصنعاني في سبل السلام يعني في الجواب عن أدلة المانعين وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم انتهى كلامه. وممن نص على شهوده لحنين مع النبي صلى الله عليه وسلم كافرا يعني مجموعة يعني بعضهم يعني من بينهم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة وكلدة ابن حنبل وسهيل ابن عمرو وصفوان ابن أمية أي نعم هذه بعض الذين حضروا القتال ولم يكونوا من المسلمين. Donc, oui, c'est ça. Donc, ici, le cheikh il rapporte les paroles de l'imam As-San'ani dans Subul As-Salam, le volume 4, à la page 1446, en réponse aux preuves de ceux qui disent que de prendre l'aide des mushrikines est interdit. Il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'aide d'un groupe d'entre les mushrikines qu'il avait attiré par le butin, donc en leur mentionnant qu'ils allaient avoir une part du butin s'ils participaient donc à la bataille. Donc ils sont venus pour ça. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Puis ensuite il commence à mentionner les éléments dans les textes qui montrent que il y a certains individus qui étaient présents dans la bataille et qui n'étaient pas musulmans, et il mentionne les références pour montrer ce point-là. Parmi les références en question, le Cheikh il dit, يعني الأول هو شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة العبدري روى الطبراني في الكبير عن ابن عساكر عن مصعب بن شيبة ابن عثمان الحجزي أو الحجبي عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله ما خرجت إسلاما ولكن خرجت اتقاء أن تظهر هوازن على قريش رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق عكرمة مولى ابن عباس قال شيبة بن عثمان لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري ذكرت أبي وأمي وقتل علي وحمزة إياهما ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري من محمد فقال ابن الأثير وأسلم شيبة يوم الفتح وقيل أسلم يوم حنين قال الزبير خرج شيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يريد أن يغتال محمد أن يريد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وقال المزي في تهذيب الكمال أسلم شيبة بعد الفتح خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو مشرك يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فقذف الله في قلبه الإسلام فأسلم وقاتل معه وكان ممن صبر معه انتهى كلامه وقال الذهبي في تاريخ الإسلام فلما كان عام الفتح خرج شيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كافرا إلى حنين من نيته اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هداه الله ومن عليه بالإسلام فأسلم وقاتل يومئذ وثبت وقتل يومئذ أو لا وقاتل يومئذ وثبت انتهى كلامه. Donc Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha c'était un parmi les gens qui ont participé à la bataille c'est un des gens qui ont participé à la bataille de Hunayn mais il n'était pas musulman au début donc l'imam al-Tabarani il rapporte dans son livre Al-Kabir selon Ibn Asakir selon Mus'ab ibn Shayba ibn Uthman al-Hajbi selon son père il dit je suis sorti avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de Hunayn, et par Allah, je ne suis pas sorti pour l'islam, mais je suis sorti par crainte que Hawazin ait le dessus sur Quraysh. Donc ça c'est rapporté ici, dans la note de bas de page, il dit, رواه الطبراني وفيه أيوب بن جابر وهو ضعيف انتهى كلامه. Ensuite, il rapporte, il dit, وروى الطبراني, il a rapporté dans Al-Kabir, et Al-Bayhaqi aussi dans Al-Dala'il, et Ibn Asakir, selon la voix de Ikrimah, le servant de Ibn Abbas, l'esclave d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit que Shaybat ibn Uthman a dit, ça c'est justement c'est Shaybat ibn Uthman dont on parle, donc il y a plusieurs exemples qui sont mentionnés, ça c'est un autre. Il dit, lorsque j'ai vu que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hunayn a été abandonné, comme s'il est resté, il a été laissé seul, je me suis rappelé de mon père et de mon oncle qui ont été tués par Ali et Hamza le jour de la bataille probablement de la bataille de Badr. Et Alors, non, c'était la bataille de Uhud, probablement. Et il a dit donc, aujourd'hui, je vais avoir ma vengeance de Mohammed. Hein? Donc ça, c'est ce qu'il a dit. C'est la preuve qu'il n'était pas musulman à ce moment-là. Donc ici, encore une fois, en note de bas de page, c'est mentionné « Wa rawahu al-tabarani wa fihi Abu Bakr al-Huzali wa huwa da'if » Ça, c'est dans Majma' al-Zawaid. Ensuite, il dit « Wa qala ibn al-Athir wa aslama shaybata yawm al-fath wa qila aslama yawm hunayn wa qala al-Zubayr » Donc, Ibn al-Athir, il a dit qu'il s'est converti le jour de la conquête. Et on a dit également qu'il s'était converti le jour de Hunayn. Et Az-Zubayr, il a dit que Shayba est sorti avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hunayn. Il voulait porter atteinte à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son intention, c'était de se venger. Al-Mizzi, il a rapporté dans Tahdhib al-Kamal, le volume 12 à la page 604, que Shayba s'était converti après la conquête, puis qu'il est sorti avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Hunayn, alors qu'il était mushrik encore. Il voulait porter atteinte à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, a mis l'islam dans son cœur. Il lui a jeté l'islam dans son cœur, et il s'est converti, il s'est converti à l'islam, et il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait partie de ceux qui ont été endurants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la fin de cette parole. Et également, l'imam al-Dhahabi, dans son livre Tariq al-Islam, le volume 4 à la page 238, il a dit, lorsque c'était l'année de la conquête, Shayba est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était mécréant. Vers Hunayn, la bataille de Hunayn. Son intention était de porter atteinte à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé et il lui a donné la faveur de l'islam. Alors il s'est converti à l'islam et il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est resté ferme. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Donc ça, c'est par rapport à Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha. Ensuite, il y a un autre qui était mentionné, c'était Kalda ibn Hanbal. Kalda ibn Hanbal, d'autres l'ont appelé aussi, ils l'ont appelé Jabala. Il y en a qui ont dit que c'était Kalda son nom, d'autres ont dit que c'était Jabala. روى ابن حبان وأبو يعلى بسندهما عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر قال وخرج حين كانت الهزيمة كلدة وكان أخا صفوان بن أمية يومئذ مشركا في المدة التي ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا بطل السحر اليوم فقال له صفوان أسكت فضل الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن انتهى كلامه قال الحافظ ابن حجر في الإصابة عن كلدة قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق هو الذي قال يوم حنين لما شهدها مع أخيه صفوان ووقعت هزيمة المسلمين بطل السحر فزجره صفوان في قصة مشهورة ثم أسلم كلدة بعد ذلك انتهى كلامه قال أيضا في تهذيب التهذيب قال ابن إسحاق كان كلدة أخا صفوان ابن أمية الجمحي لأمه يعني فنسب إلى نسب أخيه وهو الذي قال لما شهدها وهو على دين قومه بطل السحر ابن أبي كبشة بطل السحر ابن أبي كبشة فقال له أخوه صفوان فضل الله فاك ثم أسلم كلده انتهى كلامه. Donc ici c'est rapporté à propos de Kalda, comme j'ai dit, Kalda, et Naam. Donc c'est ça. Kalda, ils disent qu'il s'était converti par la suite, mais au début il n'était pas musulman. C'est rapporté selon Ibn Hibban et Abu Ya'la avec l'isnad, selon Ishaq, il a dit qu'il m'a il m'a été rapporté par Asim ibn Amr, Asim ibn Omar ibn Qatada, selon Abdurrahman ibn Jabir, selon son père Jabir, qui a dit qu'il est sorti, Kilda, il est sorti lors de la défaite de, au début de la bataille de Hunayn. Donc ils étaient partis pour la bataille de Hunayn. Quand il y a eu la défaite, c'est à ce moment-là qu'il a dit la parole qu'il avait dit, que la magie est finie aujourd'hui. Comme aujourd'hui la magie n'a pas fonctionné. Donc, à ce moment-là, il était mouchrik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait promis une part du butin. Et c'est pour cette raison-là qu'il est venu à la bataille. Alors quand il a dit aujourd'hui la bataille, aujourd'hui la magie ne fonctionne plus, ou bien il n'y a plus de magie qui, hein, comme s'il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les mouchrikounes qui disaient qu'il était un sorcier ou des choses comme ça, hein, quand ils ont vu au début que ça avait l'air que c'était la défaite, donc il a dit cette parole, et c'est là que son frère Safwan a répondu en disant: tais-toi, par Allah, je préfère que ce soit un homme de Quraysh qui soit, yani, comme celui qui nous a qui nous a conquis, que ce soit un homme de la tribu de Hawazin. Donc ça c'est la fin de la citation en question ici. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il mentionne dans Al-Isaba, volume 3, à la page 288. Selon Kilda, il a dit que Ibn Ishaq a dit, c'est lui, Kilda, le jour de Hunayn, à propos de, donc le jour de Hunayn, lorsqu'il a été témoin de la bataille, et qu'il a vu au début que c'était la défaite, ça semblait être la défaite, il était avec son frère, Safwan, puis lorsqu'il a vu la défaite, il a dit: ça y est, la magie a été annulée. Comme si la magie ne fonctionne plus. Et son frère l'a blâmé d'avoir dit cette parole, hein, dans l'histoire qui est très célèbre. Puis par la suite, Kalda s'est converti, il est devenu musulman par la suite. Donc ça c'est la preuve que dans la bataille de Hunayn, il y avait parmi les gens qui étaient là qui n'étaient pas musulmans, qui était là pour aider dans l'armée. Également, c'est rapporté dans Tahdhib al-Tahdhib, le volume 4, à la page 573. C'est un autre livre de l'imam Ibn Hajar. Il a dit, قال Ibn Ishaq. Donc Ibn Ishaq a dit, et Kalda, le frère de Safwan Ibn Umayya al-Jumhi, c'était son frère de par sa mère. C'est-à-dire que on lui a donné la même lignée que la lignée de son frère. Il était relié à Safwan par sa mère. وَهُوَ الَّذِي قَالَ, c'est lui qui avait dit la parole qu'on avait mentionnée, بَطَلَ السِّحْرِ. Donc c'est là que Safwan lui a répondu. Donc il rapporte la même parole, puis ensuite il dit, et il s'est converti par la suite. Il a accepté l'islam sincèrement par la suite. Naam. Il y a une autre personne qui est mentionnée, c'est Suhail ibn Amr, radiallahu anhu, et ça c'est rapporté ici par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat al-Kubra. Il dit, kharaja Suhail ibn Amr min Mecca ila Hunayn مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه فأسلم بالجعرانة وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من غنائم حنين 100 من الإبل. قال ابن حبان في الثقات: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو مشرك، وأسلم بالجعرانة، وكان من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه. انتهى كلامه. قلت: وأسند ذلك الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدي. Donc ici, c'est rapporté que donc Ibn Sa'd, il mentionne dans At-Tabaqat al-Kubra, le volume 5, à la page 453, que Suhail ibn Amr, il est parti de Mecca pour aller à Hunayn avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était encore shirk, mushrik, il était encore sur son shirk. Puis il s'est converti à l'islam, à un endroit qui s'appelle Al-Ja'rana. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné du butin de la bataille de Hunayn, il lui a donné 100 chameaux. Donc Al-Ja'rana, okay, c'est un endroit où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est arrêté après la bataille de Hunayn, après qu'il a pris le butin, après avoir terminé la bataille, il s'est arrêté donc à Ja'rana pour laisser le butin. C'était une grosse quantité de chameaux et d'autres richesses et des prisonniers, ainsi de suite. Donc, lui, Suhail ibn Amr, il s'est converti à Ja'rana, c'est-à-dire après la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 100 chameaux. Il lui a donné 100 chameaux du butin. Subhanallah. Donc, ça c'est une grosse richesse. Subhanallah. Et par rapport à ça justement, donc, après la bataille de Hunayn, les gens qui ont combattu, parmi les gens de la tribu de Hawazin, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, il y en a qui se sont enfuis et ils sont partis dans différentes directions, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à leur poursuite, et il a envoyé d'autres parmi les sahaba pour poursuivre d'autres dans différentes directions, et lui s'est dirigé vers la ville de Ta'if par la suite. Donc c'est ça. Donc lui, Suhail ibn Amr, il s'est converti après la bataille de Hunayn. Ça, c'est la preuve. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Hibban dans son livre Al-Thiqat, volume 3, à la page 171. Il dit que Suhail est sorti avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller à la bataille de Hunayn alors qu'il était mushrik. Puis il s'est combattu et il s'est converti par la suite à Ja'rana, c'est-à-dire à la ville de Ja'rana, et il faisait partie des Mu'allafati Qulubuhum, c'est-à-dire il fait partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rapprocher les cœurs à l'islam. Puis par la suite, donc, il est devenu un bon musulman. Donc ça, c'est la fin de la citation ici. Il dit Qultu, donc le cheikh Issam ibn Abdullah As-Sinani, il dit, et je dis, وَأَسْنَدَ ذَلِكَ الْحَاكِمِ. Donc, Al-Hakim, il a aussi rapporté cette parole-là, selon Muhammad ibn Omar al-Waqidi, dans Al-Mustadrak. Ensuite, il dit, وَصَفْوَانِ ibn Umayya. صَفْوَانِ ibn Umayya, رَوَى الْإِمَامِ مَالِكِ وعبد الرزاق عن ابن شهاب أنه قال فيما بلغه خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر. نعم. Donc صفوان ابن أمية, ça c'est un autre aussi qui a participé à la bataille. Il s'est rapporté selon l'imam Malik, selon et également selon Abdurrazzaq. Donc selon l'imam Malik et selon l'imam Abdul Razak, selon Ibn Shihab, que il a dit dans ce qui lui a été transmis, hein, de ce qui lui est parvenu comme information à ce sujet, c'est que Safwan est sorti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était kafir, il n'était pas musulman. Fashahida Hunaynan wa Ta'if, et il a participé à la bataille de Hunayn et de la bataille de Ta'if aussi, et il était kafir encore. Donc même dans la bataille de Ta'if il était kafir aussi. Donc ça c'est rapporté dans le Muwatta, et vous pouvez retourner donc à Al-Muwatta pour le trouver, et également dans le Musannaf de l'imam Abdul Razzaq. Et c'est Abdul Razzaq al-San'ani. Donc, ça c'est par rapport à Safwan ibn Umayya. وروى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100 سبحان الله. وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإني لأبغض وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي سبحان الله. Donc le cheikh il rapporte donc, ensuite c'est rapporté selon l'imam Muslim, selon Ibn Shihab, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti dans la bataille de la conquête et il a conquis la Mecque. Puis il est sorti avec ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans et ils ont combattu à Hunayn. Et Allah lui a donné la victoire et a donné la victoire à sa religion et aux musulmans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hunayn, a donné ce jour-là à Safwan ibn Umayya 100 chameaux, puis 100 chameaux encore. Ça veut dire 300 chameaux. Subhanallah. Et Ibn Shihab, il a dit, il m'a été rapporté par Saïd ibn al-Musayyib que Safwan ibn Umayya a dit par Allah, le messager d'Allah m'a donné, hein, par Allah, je jure que le messager d'Allah m'a donné, hein, et il m'a donné ce qu'il m'a donné, et à ce moment-là, c'était la personne la plus détestable pour moi de tous les hommes. Puis il m'a donné jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus aimable pour moi. Hein? Donc ça, c'est pour montrer comment son cœur a changé, comment son état a changé après avoir reçu tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire, hein, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça avec les nouveaux convertis ou les gens qui étaient proches de se convertir à l'islam. C'était pour les inciter à devenir musulmans. Donc le cheikh il dit ensuite, il rapporte encore, il dit wa rawa ibn Hibban وأبو يعلى عن جابر رضي الله عنه وذكر شهود صفوان رضي الله عنه لحنين فقال فيه وكان صفوان بن أمية يومئذ مشركا في المدة التي ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Ibn Hibban, il rapporte, selon Abu Ya'la, selon Jabir, il a rapporté qu'il a été témoin de la bataille de Hunayn, et il a dit à ce sujet-là que Safwan ibn Umayya, ce jour-là, il était mushrik. C'était la période dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné ou lui avait promis une part de, du butin pour qu'il participe. وقال البيهقي أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفيان مشرك فإنه معروف بين أهل المغازي وقد مضى بإسناده. انتهى كلامه. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا. انتهى كلامه. قلت هذا يدل على جواز الاستعانة بالكافر في الحرب. Donc le cheikh il dit que ensuite il rapporte donc les paroles de les paroles de Al-Bayhaqi dans As-Sunan Al-Kubra, il dit dans le volume 9 à la page 36, en ce qui concerne la présence de Safwan ibn Umayya avec lui le jour de Hunayn, lorsqu'il était parti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Hunayn, alors qu'il était mushrik, c'est quelque chose qui est très connu parmi les gens qui sont spécialisés dans les histoires qui sont rapportées par rapport aux batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une histoire et c'est un fait qui est connu chez eux et on l'a déjà rapporté avec son isnad, c'est-à-dire avec sa chaîne de transmission. Fin de la citation. Ibn Kathir, il rapporte dans son tafsir, le volume 2 à la page 394, en ce qui concerne ceux dont on cherche à rapprocher le cœur à l'islam, ils sont en différentes catégories. Comme on a dit tout à l'heure, il y en a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne pour qu'ils se convertissent, parce qu'ils ne sont pas encore musulmans. Et il y en a d'autres qui sont convertis, mais que c'est pour les raffermir dans leur islam, pour les faire en sorte qu'ils restent plus fermes dans leur foi. Donc, ça c'est une autre catégorie. Mais cette catégorie, ici, le cheikh l'imam Ibn Kathir, il dit, ceux à qui on donne pour qu'ils se convertissent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ibn Umayya, on lui a donné des butins de Hunayn, et il a été donc parmi ceux qui ont participé à la bataille de Hunayn alors qu'ils étaient mushrikin. Donc lui il était un mushrik à ce moment-là. Fin de la citation. Le cheikh Isam ibn Abdullah al-Sinani il dit ici. Et ça, c'est la preuve qu'il est permis de prendre l'aide du kafir dans la guerre. قال الإمام الشافعي في سياق أدلة جواز الاستعانة بالكافر في الحرب في كتابه الأم وشهد صفوان بن أمية معه حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك. انتهى كلامه. Donc l'imam الشافعي il mentionne les paroles des preuves. Il mentionne les preuves des gens qui ont permis de prendre l'aide des koufars dans la guerre. Dans son livre, Al-Umm, le volume 4 à la page 167, il dit que Safwan ibn Umayya, il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Hunayn après la conquête de la Mecque. Et Safwan était un mushrik. Fin de la citation, fin de la parole de l'imam al-Shafi'i. Donc ça c'est une preuve encore, c'est une preuve claire à ce sujet-là. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكر نسخ وقد ذكر نسخ حكم عدم الاستعانة بالكافر. قال وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي. وقال الطحاوي قصة صفوان لا تعارض قوله لا أستعين بمشرك، لأن صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. قلت وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها. وبيان ذلك أن المخالف لا يقول بأن لا يقول به مع الإكراه، أما الأمر فالتقرير يقع مقامه. انتهى كلامه. دونك الشيخ سي المنسيان يعني les paroles de l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari, le volume 6 à la page 207. Il mentionne l'abrogation du verdict de ne pas prendre l'aide du kafir dans la guerre. Donc, il mentionne le fait de ne pas prendre l'aide d'un kafir dans la guerre, que ça a été abrogé. Et il mentionne la preuve de cette abrogation ici. Il dit la preuve de l'abrogation de ne pas prendre l'aide d'un mouchrik ou d'un kafir durant la guerre ou durant la bataille, c'est la présence de Safwan ibn Umayya lors de la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était mouchrik. Et son histoire, elle est très célèbre dans les histoires rapportées par rapport à la bataille de Hunayn. Et l'imam al-Tahawi, il a rapporté ici, il a dit, il a ramené une objection. L'imam al-Tahawi, il a rapporté ici une objection que l'imam Ibn Hajar réfute tout de suite après. Donc al-Tahawi, il dit que l'histoire de Safwan, elle n'est pas en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne prends pas l'aide d'un mouchrik. Et donc l'imam al-Tahawi dit il n'y a pas de contradiction entre ça, la présence de Safwan dans la bataille de Hunayn, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith lorsqu'il disait lorsque quelqu'un voulait participer à la bataille avec lui et qu'il était mouchrik, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant je n'accepte pas l'aide ou je ne prends pas l'aide d'un mouchrik. Donc l'imam al-Tahawi il dit il n'y a pas de contradiction entre les deux. Pourquoi? Il dit parce que Safwan est sorti de son plein gré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas été ordonné de le faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Ibn Hajar il répond et il dit il n'y a aucune preuve et aucun effet à cette distinction. C'est-à-dire qu'il a été de son plein gré et non par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça ne change rien, ça n'a aucun effet sur la preuve qu'on a mentionnée, puis ça, ce n'est pas une vraie distinction, il n'y a pas une vraie distinction entre les deux, du fait que ce soit de son plein gré ou par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux, c'est, il n'y a pas de différence entre les deux de toute façon, donc ce n'est pas une preuve. Et le cheikh il dit wa bayanu zalika anna al mukhalif la yaqulu bihi ma al ikrah. Donc l'explication de ça, c'est que la personne qui n'est pas d'accord avec cette opinion, il ne dit pas que c'est obligatoire ou que ça a été permis ou interdit par rapport à la contrainte. C'est-à-dire la personne qui dit c'était interdit, elle ne dit pas que c'était par contrainte que la personne devait venir. Donc pourquoi spécifier que c'était ou dire qu'il n'y a pas de contradiction à cause que Safwan est allé de son plein gré alors qu'il n'y a aucune mention de contrainte ici. Et l'autre point c'est que al-amr amma al-amr fat-taqrir yaqumu maqamahu. En ce qui concerne l'ordre, eh bien le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait approuvé, ça remplace l'ordre. On n'a pas besoin qu'il y ait un ordre spécifique. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté qu'il soit là, donc ça prend la place de l'ordre. Intaha kalamuhu rahimahullah. En d'autres mots, c'est clair ici, dans ce qu'on vient de lire, l'exemple de Safwan ibn Umayya qui a participé à la bataille de Hunayn, c'est clair que ça vient abroger qu'est-ce qui avait été mentionné précédemment au début de l'histoire de l'islam, au début de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la bataille de Badr par exemple pour aller combattre et que Mouchek voulait venir avec lui ou bien une autre bataille après que Mouchek voulait venir participer à la bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non je ne prends pas l'aide d'un Mouchek hein? Comme on avait expliqué plus tôt dans le premier exemple lorsqu'on a parlé de cette preuve là on a dit ça c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait inciter la personne à se convertir à l'islam ça c'est une explication que les savants ont donnée pas pour l'interdire nécessairement et d'autres ont mentionné donc l'exemple que ça a été abrogé par la suite et l'exemple de la preuve de l'abrogation c'est la bataille de Hunayn hein? Un autre exemple après c'est la preuve numéro 6 par rapport à qu'est-ce qu'on a dit que c'est permis pour les musulmans de prendre l'aide d'un mushrik ou d'un kafir lorsque c'est pour combattre un mushrik ou un kafir ou pour combattre un musulman qui transgresse contre les musulmans la preuve numéro 6 le cheikh il dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ista'ana bi duru'i safwan ibn umayya رضي الله عنه وضمن حملها وكان على دين قومه حينها مما يدل على جواز الاستعانة بهم فقد رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والضياء المقدسي من حديث صفوان رضي الله عنه نفسه ورواه الحاكم البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه ورواه الطبراني والبيهقي وصححه وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو حديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة والمرسلة وقد احتج به الإمام أحمد كما نقل القاضي أبو يعلى وقال أبو داود بعد تخريجه لحديث صفوان رضي الله عنه وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم Donc, on va traduire jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il mentionne la preuve numéro 6, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des boucliers, hein, des armures de Safwan ibn Umayya. Il a pris, pour aller à la bataille de Hunayn, les armures de Safwan ibn Umayya. Hein? Et les équipements des soldats aussi. Et il les a empruntés de Safwan ibn Umayya, alors que Safwan ibn Umayya était un mushrik à cette époque-là. Il était encore sous la religion des koufars de Quraysh. C'est la preuve qu'il est permis de prendre l'aide des mushrikines pour combattre des mushrikines ou des koufars, comme on a dit tout à l'heure. Ça a été rapporté selon Ahmad et Abu Daoud. Et ça a été authentifié par Al-Hakim et Al-Diya Al-Maqdisi, selon le hadith de Safwan lui-même, radiallahu anhu, qui l'a rapporté. De même que Al-Hakim ou Al-Bayhaqi, par les hadiths de Jabir, radiallahu anhu. De même que Al-Daraqutni et Al-Bayhaqi, ils ont rapporté également un hadith qui a été authentifié par Al-Hakim, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et c'est un hadith authentique. Si on rassemble toutes ces voies de transmission qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien attribuées à la parole d'un sahabi. Et dit également l'imam Ahmad, il a utilisé comme preuve ce qui a été rapporté par le qadi Abu Ya'la et Abu Daoud. Après avoir rapporté le hadith, il mentionne le hadith de Safwan. Après avoir mentionné le hadith de Safwan, il mentionne les paroles de Safwan. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait prêté ou il a laissé les armures au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de s'être converti à l'islam. Puis il s'est converti par la suite. Ça c'est rapporté dans Sunan Abu Daoud. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى عن غزوة حنين وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المشركين كثير منهم صفوان بن أمية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه 100 درع بأداتها انتهى كلامه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمته رضي الله عنه وخرج معه إلى حنين واستعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال طوعا أو كرها فقال بل طوعا عارية مضمونة فأعاره. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles d'Ibn Sa'd, Ibn Sa'd dans At-Tabaqat al-Kubra. Il dit que lors de la bataille de Hunayn, At-Tabaqat al-Kubra volume 2 page 150, à propos de la bataille de Hunayn, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec certains d'entre les mushrikines, plusieurs d'entre les mushrikines. C'est ça. Nas min al-mushrikin kathir. Donc il est sorti avec plusieurs d'entre les mushrikin dans la bataille de Hunayn. Parmi eux, il y avait Safwan ibn Umayya. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait emprunté 100 armures avec les équipements qui viennent avec. Fin de la citation. Ibn Abdelbar, il rapporte dans Al-Isti'ab, le volume 2, page 276, dans la biographie de Safwan ibn Umayya, lorsqu'il parle de Safwan ibn Umayya, il dit qu'il est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Hunayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a emprunté des armes. Et il a demandé, c'est-à-dire Safwan a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est bon gré ou mal gré? C'est-à-dire, est-ce que tu les prends par force ou tu me les demandes pour que je te les donne volontairement? Il a dit non, je te les demande que tu me les prêtes volontairement et en plus ils sont garantis. Je te les emprunte et je te donne une garantie dessus. Dans le sens que s'ils sont abîmés ou brisés pendant le combat, il va lui rembourser qu'est-ce qui a été brisé de ces équipements-là. Et donc, il les a donnés au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit ensuite, وَعَطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَكْثَرَ. C'est pour ça qu'il lui a donné jusqu'à 300 chameaux par la suite. En fait, sallallahu alayhi wa sallam lui a donné jusqu'à 300 chameaux. فَأَشْهَدَ بِاللَّهِ مَا طَابَتْ بِهَذَا إِلَّا نَفْسُ نَبِيٍّ فأسلم وأقام بمكة انتهى كلامه. Donc Safwan il a dit je prends Allah comme témoin, ou bien je témoigne par Allah que une âme aussi bonne ne peut être que celle d'un prophète. Et c'est là qu'il s'est converti à l'islam et il est resté à Mecca. فين الاستاسيون. قال الذهبي في تاريخ الإسلام وشهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه بعد وأعار النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا وأدرعا يومئذ انتهى كلامه. ولذا اعتمد طائفة من العلماء ممن لم يقولوا بالجمع بين النصوص هذا ناسخا لأحاديث منع الاستعانة. Ok, donc le cheikh il dit ici que l'imam al-Zahabi, il rapporte dans Tariq al-Islam, volume 4 à la page 67, que Safwan a participé à la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur le shirk encore. Et il a prêté au prophète sallallahu alayhi wa sallam des armes et des armures ce jour-là. Fin de la citation. Et le cheikh il dit donc que les savants qui n'ont pas considéré le fait de rassembler entre ces textes, ils se sont basés sur ces hadiths-là. Et ils ont dit que ces hadiths-là viennent abroger les textes qui interdisaient de prendre de l'aide des mushrikines pour la guerre, pour le combat. قال الإمام الشافعي وذكر رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا في غزوة بدر أول الأمر في كتابه الأم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين في غزات خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا. انتهى كلامه. Donc, Cheikh, il mentionne ici l'imam Shafi'i, il dit, en réponse à la question du mushrik qui a été renvoyé lors de la bataille de Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je ne prends pas l'aide d'un mushrik », donc il répond à ça, il réfute ça. Dans son livre « Al-Umm », le volume 4 à la page 261, il dit « Puis par la suite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Badr, 2 ans après la bataille de Badr, il a combattu à Khaybar avec un nombre des juifs de Bani Qaynuqa. Et ils étaient très forts. Donc il a pris les gens de Bani Qaynuqa avec lui pour combattre à Khaybar. Et il a pris également des combattants mushrikin lors de la bataille de Hunayn qui s'était passée en l'an 8 après la Hijra, contre Hawazin, et parmi eux il y avait Safwan ibn Umayya qui était un mushrik. Ensuite il revient à la question de l'homme qui avait été rejeté parce qu'il était mushrik à la bataille de Badr. Il dit, et s'il avait été renvoyé ou repoussé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas prendre l'aide d'un mushrik à ce moment-là, eh bien ça a été abrogé par la suite, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des mushrikines pour combattre par la suite. Donc il n'y a aucun mal à prendre l'aide d'un mushrikine pour combattre des mushrikines s'ils sont sortis volontairement. Hein? Donc ça c'est tout ça c'est des preuves. Ensuite le cheikh il dit, وقال ابن القيم في زاد المعاد في فوائد غزوة الحديبية ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. انتهى كلامه. Donc, Ibn al-Qayyim, il rapporte dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, la page 479, parmi les bienfaits de la bataille ou les points bénéfiques à tirer de la bataille de Al-Hudaybiyah, ou bien la bataille de Al-Hudaybiyah, il dit ici, il dit parmi ces bienfaits-là que l'imam, il a le droit d'emprunter les armes des mushrikines et leur nombre également pour combattre leur ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté les boucliers de Safwan ibn Umayya. Donc ici c'est la bataille de Hunayn, c'est pas la bataille de Al-Hudaybiyah. Je sais pas pourquoi ils ont écrit Al-Hudaybiyah, peut-être c'est une erreur. Donc ici c'est et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté les boucliers de Safwan ce jour-là pour combattre les mushrikins de la tribu de Hawazin, alors que Safwan était un mushrik. Hein? Fin de la citation. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam, Cheikh Ibn Baz, hafizahullah. Il dit, « Wa qala samahatu al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, bi fatwa, fi majmu' fatawa wa maqalat » عن استعانة الدولة السعودية بقوات دولية مختلطة من مسلمين وكافرين لصد طاغية العراق البعثي، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته عملا بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان عنهم الواقع والمتوقع وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بدروع استعارها من صفوان بن أمية يوم حنين وكان كافرا لم يسلم ذلك الوقت انتهى كلامه. Donc, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah, il mentionne dans son Majmu' Fatawa, le volume 6, à la page 172, qu'il dit que l'État de l'Arabie Saoudite a pris l'aide des forces internationales qui sont un mélange de musulmans et de non-musulmans. Pour stopper la transgression du tyran de l'Irak qui est le chef du parti Baath, le parti des socialistes communistes athées. Et il dit ici que yani, le comité, l'assemblée et le comité des grands savants, et il dit moi je suis un qui fait partie de ce comité-là, a émis son support à la décision qui a été prise par le gouvernement saoudien à ce sujet-là et il considère, c'est-à-dire le comité, il considère que le gouvernement a eu raison dans ce qu'elle a fait, de prendre l'aide de ses forces internationales en agissant selon la parole d'Allah lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru prenez vos gardes hein? Prenez vos gardes et en suivant également la parole d'Allah lorsqu'il dit et préparez pour eux ce que vous pouvez comme force et il n'y a pas de doute que de prendre l'aide des non-musulmans pour défendre les musulmans et leur pays et pour se protéger contre les ruses des ennemis est une chose permise selon la charia de l'islam. Même que cela peut être obligatoire lorsque c'est une nécessité. Et il y a en cela, à cause de ce qu'il y a en cela, ou pour ce qu'il y a en cela, hein, d'aide qui vient aux musulmans, ou qui est donnée aux musulmans, et protection contre les ruses des ennemis. Et également que ça repousse la transgression qui est faite contre eux, que ce soit une transgression qui est réelle et qui est faite réellement ou qui est anticipée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des armures qu'il a empruntées de Safwan ibn Umayyah pour la bataille de Hunayn alors qu'il était ce jour-là un kafir. Il ne s'était pas encore converti à ce moment. Fin de la citation. وقال رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات وقال يوم بدر لا استعين بمشرك ولم يقل لا تستعين بل قال لا استعين لانه ذلك الوقت غير محتاج لهم والحمد لله معه جماعة مسلمون وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم. وفي يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه، فقال أغضبا يا محمد؟ فقال لا، ولكن عارية مضمونة. أغصبا يا محمد؟ فقال لا، ولكن عارية مضمونة. انتهى كلامه. Donc, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah, il mentionne dans son Majmu' Fatawa wa Maqalat, le volume 6 à la page 110, que le jour de Badr, il a dit « La asta'inu bi mushrik » « Je ne prends pas l'aide d'un mushrik » et il n'a pas dit « Je ne prends » il n'a pas dit « Ne prenez pas l'aide » il a dit « Je ne prends pas l'aide » Donc, le cheikh, il dit, il ne prenait pas l'aide ce jour-là parce qu'il n'en avait pas besoin. Alhamdulillah, il avait un groupe avec lui, musulman, suffisant. Et ça a été une cause de la guidance de cette personne-là qui l'a repoussé jusqu'à ce qu'il se convertisse par la suite. Celui à qui il avait dit, je ne prends pas l'aide d'un mushrik, il s'est converti. Donc, ça a été une des causes de sa conversion et de sa guidance à l'islam. Puis, lorsque c'était le jour de la conquête, le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les armures de Safwan ibn Umayya pour partir à Hunayn, pour combattre à Hunayn. Et Safwan ibn Umayya, ce jour-là, il était mushrik. Et il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Oh Muhammad, est-ce que tu les prends par force, mes armures ?» Il a dit non, je te les emprunte seulement et je te les garantis. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose à tes armures, eh bien, je te rembourse et je vais te dédommager. Donc, il ne les a pas pris par force, il les a empruntés. Et ça, c'est la preuve qu'on peut prendre l'aide des mouchriquins et des koufars dans la bataille, que ce n'est pas interdit. Naam. Donc, on a déjà fait deux preuves aujourd'hui encore. Et là, on est rendu à la preuve numéro 7. Mais on va pas la lire aujourd'hui parce que on a déjà fait 1h20 presque. Et si on commence à rentrer dans celui-là, eh bien, on va dépasser le temps qui est alloué pour le cours. Ça va être trop long. Donc on va s'arrêter ici. Mais juste pour vous dire, le prochain, donc la preuve numéro 7, c'est quoi? C'est le prophète, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même utilisé l'aide des juifs dans ses combats. Parfois, il a utilisé l'aide des juifs dans ses combats et il avait même des alliances avec les juifs aussi. Donc ça, c'est pour montrer que le fait de prendre l'aide des koufars, c'est pas quelque chose qui est interdit si on prend l'aide des koufars pour combattre d'autres koufars. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va essayer de faire le cours la semaine prochaine, inshallah. Pas à cette heure-ci, à l'heure habituelle, inshallah, mais des fois c'est difficile, surtout que en ce moment, bon, c'est un temps qui est très difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de responsabilité en ce moment, beaucoup de choses à faire, à prendre en charge. Donc, des fois, j'ai pas le temps. Comme la semaine passée, j'ai pas fait les cours, malheureusement. Mais bon, on se reprend et puis on essaie de faire ce qu'on peut, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous aide. Donc, je vous laisse à ce moment-là. À partir de maintenant, on s'arrête ici pour le cours d'aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, on va faire le cours de Sharh al-Fatwa al-Hamawiyya, Inch'Allah, comme prévu à l'heure habituelle, Inch'Allah. Je vais faire mon possible pour que ce soit demain. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu feekum. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.